Les défèques, toutes ces années avec ce chat. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 23 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Barnard. Le dicton nous dit « Saint Barnard ensoleillé rend le vigneron gai ». Alors on verra tout à l'heure que normalement on devrait avoir du soleil, mais pour l'instant c'est pas gagné. Pas de célébration internationale aujourd'hui et dans les événements qui se sont déroulés un 23 janvier en 1933, Jean Mermoz ralliait Buenos Aires et ouvrait ainsi l'Amérique du Sud à l'aéropostale. Allez, tout de suite, on marque une première pause avec les Pointer Sisters et leur titre « I'm so excited ». Les Pointer Sisters, I'm so excited sur RGM. 8h36, eh bien, ça réveille. Hein. Allez, on est toujours dans la matinale et on va parler anniversaire avec ceux qui sont nés un 23 janvier 1948. Naissance d'Anita Pointer, chanteuse américaine des Pointer Sisters. 1950, naissance de Richard Dean Anderson, acteur américain connu pour avoir joué dans des séries télé. Hôpital Central dans le rôle du docteur Jeff Weber, MacGyver dans le rôle d'Angus MacGyver, Stargate SG-1 dans le rôle du colonel puis général Jack O'Neill, rôle qu'il a d'ailleurs repris dans les séries Stargate Atlantis et Stargate Universe. 1957, naissance de Caroline Grimaldi, princesse de Monaco. 1958, naissance de Laurent Boyer, animateur français de télévision et de radio, qui a présenté des émissions Star, hein, Fréquence Star entre 89 et 2006 et Graines de Star entre 96 et 2003. C'est également l'année de naissance de Christophe Dechavanne, animateur français, qui a présenté Ciel mon mardi, Coucou c'est nous, Les 100 plus grands, La ferme célébrité 1 et 2, Je suis une célébrité, Sortez-moi de là, La route de la fortune ou encore Une famille en or. 1959, naissance de Didier Bourdon, acteur, scénariste, réalisateur français du comique Les Inconnus, hein, vu dans Le téléphone sonne toujours deux fois, Les trois frères et Les trois frères le retour dans le rôle de Didier Latour, Le Paris dans le rôle de Didier, Les rois mages dans le rôle de Balthazar, Fanfan la tulipe, 7 ans de mariage, Madame Irma, Les profs 2 dans le rôle de Serge Cutiro, Alibi.com, Les nouvelles aventures de Cendrillon, Nicky Larson et Le parfum de Cupidon dans le rôle de Dominique Letellier, scénariste du film Le téléphone sonne toujours deux fois, Les trois frères, Le Paris, Les rois mages, 7 ans de mariage, Madame Irma, Les trois frères, Le retour, réalisateur du film Les trois frères, récompensé du César du meilleur premier film, Le Paris, Les rois mages, 7 ans de mariage, Madame Irma et Les trois frères, Le retour. 1964, naissance de Mariska Hargitay, actrice américaine connue pour son rôle de l'inspecteur, puis sergent, puis lieutenant Olivia Benson dans la série télé New York Unité Spéciale. Elle apparaît également avec ce personnage dans New York Police Judiciaire ou encore Chicago Police Department. 1972, naissance de Léa Drucker, actrice française. Vu dans 3-0, Narco, Les Brigades du Tigre, le film dans le rôle de Léa, Coluche, L'histoire d'un mec dans le rôle de Véronique Colucci, La vérité si je mens 3 dans le rôle de Muriel Salomon, Jusqu'à la gare dans le rôle de Myriam Besson, récompensée du César de la meilleure actrice, et vu également dans la série télé Le Bureau des Légendes dans le rôle du docteur Lauren Balms. 1974, naissance de Bernard Diomède, ancien footballeur français, champion du monde en 98, qui a fait sa carrière de 1992 à 2006 en jouant à Auxerre, Liverpool, à l'AC Ajaccio, à l'US Créteil Lusitanos ou encore au Clermont Foot. On reste en 74 avec la naissance d'Anne-Marie Vin, actrice française vue dans Podium, Ne le dis à personne, Bienvenue chez les Ch'tis, dans le rôle d'Annabelle de Koninck, Incognito, Les petits mouchoirs dans le rôle de Juliette, Red Dingue, Babyphone ou encore Guy. On reste toujours en 74 avec également la naissance de Tiffany Amber Thiessen, actrice américaine connue pour son rôle de Kelly Kapowski dans la série télé Sauvée par le Gong, celui de Valérie Malone dans Beverly Hills, celui de Marty dans Un toit pour trois et celui d'Elizabeth Burke dans la série FBI Duo très spécial. 1978, naissance de Wallen, chanteuse franco-marocaine. 1989, naissance de Doutzen Kroos, mannequin actrice néerlandaise qui a incarné le personnage de Venelia dans les films Wonder Woman et Justice League. 1986, naissance de Pablo Andújar, joueur de tennis espagnol professionnel depuis 2005. Son meilleur classement ATP, c'est la 32e place atteinte en 2015. 8e de finaliste à l'US Open, 16e de finaliste à Roland-Garros, Wimbledon et 32e de finaliste à l'Open d'Australie. 1987, naissance de Louisa Nessib, ancienne footballeuse française ayant fait carrière de 2004 à 2016, ayant joué à Clairefontaine, Montpellier et Lyon. 1989, naissance d'April Pearson, actrice britannique connue pour son rôle de Michelle Richardson dans la série télé Skins. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale avec la chanteuse Wallen et son titre L'Olivier. Wallen avec son titre L'Olivier sur le 107FM. Il est presque 8h45, on parle météo. La météo. Actuellement, il y a du brouillard, alors espérons que celui-ci se lève, puisqu'en pleine hier, malheureusement, il ne s'est pas levé. Et sinon, on devrait donc avoir du soleil pour aujourd'hui, avec tout de même un petit peu de nuages. Des températures toujours fraîches hein, ce matin, entre moins 5 et moins 4 degrés, entre 3 et 4 degrés pour cet après-midi. Pour vendredi, journée ensoleillée, des températures comprises entre moins 3 et moins 2 degrés le matin, entre 8 et 9 degrés prévus pour vendredi après-midi. Samedi, du soleil avec quelques nuages, des températures comprise entre 0 et 1 degré le matin, entre 6 et 8 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec les Jeux Olympiques de la jeunesse et la dernière médaille pour l'équipe de France a été remportée en curling par CNO Mixte. C'est médaille d'argent pour Shana Betten et Nikolai Lysakov. Un mot de tennis avec l'Open d'Australie qui a été perturbé en début de journée par une tempête de poussière. Mais les matchs ont pu commencer et alors... On fait un point rapide sur ce qui s'est passé hier côté féminin. La qualification de Serena Williams en 2-7 et Keys s'est qualifiée en 2-7 également. Au programme d'aujourd'hui, l'élimination d'Alizé Cornet en 2-7 face à Vekic. 6-4, 6-2, il n'y a plus de Française à l'Open d'Australie après seulement 2 tours. À noter les qualifications de Pliskova, Bencic, Kerber, Mertens. Elles se sont toutes qualifiées en 2-7. Bertens était en train de disputer son match. Je vais chercher si elle l'a terminé ou pas. Sinon, en attendant, à suivre aujourd'hui les matchs de Alep ou encore de Svitolina. Côté messieurs, Roger Federer n'a pas fait dans le détail hein, hier. Il s'est qualifié facilement en 3-7 face à Krajinovic. 6-1, 6-4, 6-1. La qualification en 5-7 de Fabio Fognini face à Thompson. La qualification de Tsitsipas après le forfait de Kohlschreiber et Bautista Agut s'est qualifié en 4-7. Aujourd'hui, Alexander Zverev et Medvedev se sont qualifiés en 3-7. Dominique Thiem, lui, s'est qualifié en 5-7. Gaël Monfils est en ce moment même en train d'affronter Karlovic. Le Français a perdu le premier set 4-6. Il a remporté le second 7-6, le troisième 6-4 et il y a 3 partout dans le quatrième set. Et sinon, dans les autres rencontres à suivre, on aura Gilles Simon face à Kyrgios, Herbert face à Goffin et on aura également les matchs de Nadal, Wawrinka ou encore Khachanov. Et donc, je cherche le match de Bertens, mais je ne la trouve pas. Et ben, elle a disparu de mon petit tableau et je vois donc qu'en ce moment, Herbert est en train d'affronter Goffin. On va faire un point sur la rencontre. À mon avis, ça n'a pas longtemps que ça a débuté. Oui, effectivement, il y a 3-1 pour le Belge dans le premier set. Allez, on continue avec le basket et point sur la NBA. Ça jouait pas mal hein, cette nuit pour nos Français. L'équipe de Détroit de Doumbaya s'est imposée 127 à 106 face à Sacramento. 4 points, 7 rebonds pour le Français. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier s'est inclinée 114 à 120 face à Oklahoma. 12 points pour le Français. L'équipe de Boston de Poirier s'est imposée 119 à 95 face à Memphis. 2 points et 3 rebonds pour le Français. L'équipe de Washington de Miami s'est inclinée face au Heat de Miami. 134 à 129 après prolongation. 10 points, 10 rebonds pour Miami. L'Utah Jazz de Rudy Gobert s'est imposé face aux Golden State Warriors 96 à 129. 22 points et 15 rebonds pour le Français. Et enfin, l'équipe de Phoenix de Okobo s'est inclinée 87 à 112 face à l'équipe d'Indiana. 11 points pour le Français. Et demain à 21h à l'Accor Hotel Arena à Paris aura lieu le match de NBA Charlotte-Milwaukee. L'équipe de Charlotte où évolue Nicolas Batum. Il a d'ailleurs déclaré fier d'être le premier Français à jouer un match de saison régulière de NBA en France. Et on termine avec... Non, on va pas terminer. J'ai encore deux choses à vous dire. Football, Coupe de France, Épinal-Lille à la Colombière.